Yo les cailloux, vous êtes encore et toujours sur Radio Cayenne. Maintenant, je vais vous lire un texte, un petit texte que j'ai lu sur Paris Lutte Info toujours, qui s'appelle Pour que vivent les mondes d'après. Pas de retour à la normale, pause générale, construisons les mondes d'après. Le leur, on le connaît et on n'en veut pas. Faisons de ces refuges des gares à partir desquelles partent les trains pour les mondes d'après et dans lesquels on s'y forme, on construit et on s'y prépare. Pour que vivent les mondes d'après, contribution au mouvement social en préparation. Partout, on entend les révoltes frémir, celles qui commençaient à rissoler, celles qui s'embrasaient, celles qui commençaient à caraméliser, celles issues des injustices sociales d'hier, exacerbées aujourd'hui avec le virus et ses conséquences, celles silencieuses, issues du sentiment global d'injustice vécue, subie, et dont l'arrêt forcé ou la mise au ralenti force à la prise de conscience ou oblige à y penser au moins, celles grandissantes, issue du dérèglement climatique et de l'effet d'un ralentissement sur la qualité du monde. Celle enfin, issue des conséquences de l'action de cette petite élite mondiale surpuissante, à la fois responsable des injustices sociales et du dérèglement climatique, et dont les victimes par millions sont les mêmes. Le confinement a forcé à baisser le feu et recouvert les marmites temporairement, mais tout mijote. On entend ici et là, dans les sphères au pouvoir, que les choses vont changer, qu'il y aura un avant et un après, qu'il faudra tirer toutes les conséquences de cette période, qu'il faudra un capitalisme à visage humain, qu'il faudra changer l'ordre de nos priorités. On entend ici et là, dans les brasières militantes et politiques, qui s'impatientent en raison du déconfinement sanitaire, une volonté d'un déconfinement des droits et des libertés. On entend susurrer qu'il faut penser le monde d'après, demander des comptes, faire valoir nos droits, réclamer ce que nous est dû, créer une plateforme de revendication et bien d'autres choses. Le monde médiatique endosse les couleurs du Nouveau Monde, du Figaro à Mediapart, en passant par Closer. Tout le monde veut le Nouveau Monde. Le même? Non, nous ne voulons pas de leur monde d'après. Pas le monde d'après du système. Le microcosme politico-économique au pouvoir a déjà mis en place les conditions de son monde d'après, à savoir le même qu'avant, en pire. On remet en cause le droit du travail, les congés, la réglementation actuelle déjà bien attaquée, sans aucun doute, car il faut redresser le pays, se serrer la ceinture, faire un effort collectif et individuel pour que la nation reprenne son rythme de croisière, sa croissance, son dynamisme économique, son exploitation des sols, des ressources, des humains, des êtres vivants. Faisons pire et acceptons-le toutes et tous pour le bien d'une minorité. Et s'il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale pour y arriver, soit, tant que la croissance va. Et si diable, quelques rebelles extrémistes ne rentrent pas dans l'Union, les stocks de lacrymo, LBD et autres armes de répression physique, judiciaire ou économique sont prêtes. Pas le monde d'après des réformistes doux en pleine ébullition, et c'est le moment, c'est certain. Il faut construire le monde d'après. Celui qui se fera en gardant le système, mais en arrangeant un peu les choses, au moins de façade, pour faire vaciller les électeurs de bon côté, le leur. Celui qui vantera le nouveau monde, faussement pour de vrai, comme l'avait fait véritablement pour de faux le président actuel, avant eux, pour se faire élire. Tant que les bons amis sont préservés et que l'élite ne tombe pas, pourquoi pas même lâcher quelques réelles miettes? Pas simplement des bons pour des miettes. Le monde d'après, le nôtre, est multiple, diversifié, rebelle, auto-organisé et sérieux. N'attendons plus rien de l'élite politique et économique en place. Organisons-nous pour créer les mondes d'après. Les mondes d'après ne seront pas un. Certains, certaines voudront créer et fédérer des communes libres. D'autres chercheront à renverser la vieille cocotte du vieux monde par différents moyens révolutionnaires, violents ou non violents. D'autres encore plébisciteront le communalisme, l'écosocialisme ou la démocratie radicale. D'autres encore inventeront d'autres chemins. Ces mondes peuvent coexister demain et peuvent se fédérer aujourd'hui dans le mouvement qu'il nous reste à construire pour qu'ils puissent vivre et exister. Rallumons le feu sous toutes les marmites. Faisons-le en même temps et embrasons la cuisine, la maison et le quartier. Rallumons-les toutes tant qu'elles ont en commun l'idée de créer en coexistence ces mondes de demain et qu'elles partagent quelques ingrédients de base non négligeables comme le féminisme, l'anti-autoritarisme, la solidarité, l'antiracisme, la remise en question du fonctionnement économique et politique actuel et la volonté de vivre en harmonie sur une planète préservée, tant au niveau de son environnement, de ses êtres vivants et de la justice sociale et climatique qu'elle propose à ses habitants humains. Tant qu'elle saupoudre dans leur mixture une pincée de créativité et d'ouverture, qu'elles acceptent d'y rajouter un soupçon non négligeable de tolérance entre les différents moyens d'action afin de pousser dans le même sens, de la manière que l'on trouve la plus appropriée, sans imposer à l'autre sa finalité ni sa façon d'y parvenir. Rallumons toutes ces révoltes simultanément et créons, facilitons et construisons les mondes de demain. Tout est bon à inventer et à décider collectivement, mais voici quelques pistes. Réinvestissons les places, les ronds-points, l'espace public et faisons-en des refuges. Refuge pour celles et ceux qui souhaitent sortir durablement et temporairement de leur quotidien subi. Refuge pour celles et ceux qui vont lutter et qui luttent déjà de la manière qui leur semble la plus appropriée. Refuge pour toutes celles et tous ceux qui subissent en premier lieu les effets du système et quelle que soit la forme de précarité ou de pauvreté qu'elles rencontrent. Refuge à défendre, lieu de transition et formation pour les mondes d'après. Faisons de ces refuges des gares à partir desquelles partent les trains pour les mondes d'après et dans lesquels on s'y forme, on construit, on s'y prépare. Faisons de ces gares des lieux de transition où le système s'arrête et où la créativité, l'amour et la vie reprennent. Pas de retour à la normale. Pause générale. Construisons les mondes d'après. Le leur, on le connaît, on n'en veut pas. Les pas de nom, membres du collectif Le Monde d'après. Après ce chouette texte, comme d'habitude, on vous passe une petite musique et on revient après. Yeah. Savoir s'ils avaient la poigne d'aller au bout.